L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Le samedi 21 avril, eh bien, concert de l'ensemble 3 voix et un piano, salle Rographe à Nancy. Lucie Méja, bonjour. Bonjour. Ce concert est donné au profit de l'Arche à Nancy et eh bien, vous représentez cette communauté de l'Arche pour Nancy. Quel est votre rôle plus précisément ? Moi, je suis la secrétaire comptable de l'association. L'Arche à Nancy, en quelques mots, ça existe depuis quand ? Alors, ça a ouvert ici en 2014 à Nancy, mais ça existe depuis 50 ans dans d'autres endroits en France et à l'international. Et on accueille ici à Nancy 14 personnes en situation de handicap mental dans 2 maisons situées en centre-ville. À Nancy, ça a été la 32e communauté qui a été ouverte. Il y en a 35 aujourd'hui, si je ne me trompe, en France. Donc, vous vivez en communauté avec des personnes en situation de handicap mental. Voilà, les personnes qui les accompagnent au quotidien vivent avec elles. C'est vraiment la proposition d'une vie partagée ensemble. Et donc, les salariés et les jeunes en service civique qui sont accueillis également ont leur logement dans les maisons et vivent avec eux, partagent les repas, partagent les fêtes, les sorties ensemble. C'est une vie partagée ensemble. Alors, vous organisez régulièrement des temps forts au cours d'une année. Voilà, on a des événements qui sont un peu récurrents chaque année. On a la marche qui est ouverte au tout public pour passer un moment dans la nature ensemble, en forêt. On a notre marché de Noël. On organise aussi une garden party au mois de juin. Pareil, c'est un événement ouvert au public pour pouvoir rencontrer et partager un moment simple et chaleureux auprès des personnes qui vivent à l'Arche. Voilà, c'est des événements qui ont lieu régulièrement. Un des moments qui va arriver prochainement, c'est bien le samedi 21 avril, qui est ouvert à tout le monde, puisque c'est un concert qui va se dérouler salle Rographe à Nancy, le concert de l'ensemble 3 voix et un piano. Oui, c'est pas la première fois qu'ils organisent un concert au profit de notre association. Et voilà, ils ont proposé cette année de reproduire ce soutien. L'entrée est gratuite. Il y aura la possibilité à la fin du concert de faire un don. C'est une participation solidaire et l'ensemble qui sera collecté sera au profit de l'Arche. Permettre justement de proposer d'autres actions au cours d'une année et de faire vivre l'Arche. Voilà, et puis ça va servir aussi, on a le projet d'ouvrir une troisième maison fin 2018, début 2019, on espère, si tout va bien. Donc cet argent va servir aussi pour ce projet qui est important. Alors si on veut pouvoir soutenir l'Arche, eh bien on peut déjà se rendre le 21 avril à ce concert de l'ensemble 3 voix et un piano salle Rographe à Nancy. Comment on peut faire aussi pour vous aider ou avoir plus d'informations ? Alors, on a une page Facebook Arche à Nancy qui est régulièrement mise à jour, qui donne les informations au quotidien de ce qui se passe dans les maisons, de ce qui s'y vit, puis les événements à venir. Et il y a aussi sur le site de l'Arche en France, il y a une page qui est dédiée à l'Arche à Nancy, où il y a aussi les informations plus générales sont dessus. Pour soutenir l'Arche à Nancy, rendez-vous le samedi 21 avril, la salle Rographe à Nancy, le concert de l'ensemble 3 voix et un piano est à 20h30 pour une soirée de chansons de variété française. L'entrée est gratuite, une participation libre est donc au profit de l'Arche à Nancy. L'actualité à Nancy est ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.